en a vraiment marre de toute cette fanfare qui n'arrête jamais de jour, jamais de nuit. Marre de voir tous ces zombies, tous ces cafards vous dire comment faire vouloir nous expliquer la vie. Aujourd'hui je ferai comme je le sens, je ferai comme j'ai envie, je vais marcher, suivre le vent jusqu'où je veux dans la nuit, dans la nuit. Aujourd'hui je ferai comme je le sens, je ferai comme j'ai envie, chaque jour, chaque fois, chaque instant jusqu'où je veux dans la nuit, dans la nuit. Y en a vraiment marre de tout ce bazar, mais il faut bien gagner des sous, gagner sa vie au milieu de tous ces ennemis, tous ces cafards qui vous disent comment faire, veulent vous apprendre à vivre. Aujourd'hui je refais comme je sens, je refais comme j'ai envie, je vais marcher, suivre le vent jusqu'où je veux dans la nuit, dans la nuit. Aujourd'hui je refais comme je le sens, je refais comme j'ai envie, chaque chose, chaque fois, chaque instant, et comme je veux dans la nuit, dans la nuit. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Aujourd'hui je ferai comme je le sens, je ferai comme j'ai envie, je vais marcher, suivre le vent jusqu'où je veux dans la nuit, dans la nuit. Aujourd'hui je ferai comme je le sens, je ferai comme j'ai envie, chaque chose, chaque fois, chaque instant.